Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Bien, nous présente n'importe quoi dans sa chronique aléatoire. Et non, ce n'est pas Yann Martel, mais Caroline Lajoie qui nous parle d'un café rencontre. Assemblage requis, maintenant! Est-ce que tu veux faire un test? Vas-y, non. Est-ce que tu veux qu'on fasse un test de genre, tu lis l'émission à ma place, mettons? OK. OK, on essaie ça, OK. Je recule le thème de quelques secondes. Non, okay. Non, non. T'arrives, tu t'animes, OK. Tu mets ça, tu mets ça. Bonjour, moi c'est Mathieu Plante. J'aime le chiptune. Ah, celui-là l'affaire. Tu l'as, mon François. Bravo. C'est l'Halloween? Oui, oui, c'est ça. Pour ça, c'était trop là. Ouais, c'est ça. Donc, bienvenue à Sondage Requis. On se mercredi 2 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. J'aime le chiptune. J'aime le chiptune, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est François-Olivier. Oui, malheureusement, hein, ça, on peut pas t'avoir. Hein. Ah non. Si on peut avoir un Mathieu Plante de remplacement pour animer... Non, Mathieu Plante n'est pas très en forme ce matin. Pas hein. Tôt, c'est pas grave. La grippe qui t'attaque... Ouais. Qui te saute dans le dos. Et il était temps, parce que là, sérieusement, ça faisait longtemps que tout le monde parlait autour de moi qu'il y avait... Ouais, c'est ça. Tout le monde l'a eu, à part toi. Ouais. Donc, mais ça en est une bonne cette année, pour vrai. C'est pas par ordre de mérite, hein. Donc, ça veut dire... Je suis en dernier. Hein? Je suis en dernier. Ça veut dire quoi? Tu le méritais pas ou tu le méritais pas plus? Je mérite pas plus, hein? Je sais pas. Moi, je mérite pas plus. Je suis comme, pour la fin, tu comme... On s'en sacre. Putain, Mathieu Plante. Ouais, il reste. Je m'attaque à Mathieu Plante. C'est ça. C'est comme c'est quand t'as plus rien à faire. C'est, ouais. C'est ce que le virus a dit. C'est ça. Pas ce matin, hier. Ça a commencé hier. Hier après-midi, ouais, c'est ça. Bon. Et là, t'as quoi? T'as mal à gorge? Ouais. T'as le nez en feu? T'as le nez en feu, mouche beaucoup. Le cerveau, c'est la tête qui me fait le plus mal, je trouve. Ah ouais? C'est le fun, hein? Ouais. Toi, ton rhume, ça a bien été? Ouais, ça a bien été. Ça a bien été. Tu vas voir, en fait, là, si. Il s'agit qu'en fin de semaine, tu te reposes. OK. Et puis lundi, tu devrais être pas pire. J'aime ça. Ça veut dire que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui, donc je vais animer comme ben ça. Ben non, mais je sais pas, en fait. Est-ce qu'on a la même chose? Je non, sais c'est pas, ça. Je sais pas. C'est pas dans ta tête, moi. Mais, une chance, quand même, il manquerait bien avec ça. Toi, par exemple, je sais qu'il y a du néocitrin, moi, ça m'a comme assommé, mais toi, ça a l'air de ben t'avoir bien fait. Toi, c'était du extra fort. Moi, c'était pas l'extra fort. En même temps, toi, c'était 7 symptômes. 7 symptômes. J'imagine que c'est quand même fort. Ouais, c'est ça. C'est supposé être fort. C'est supposé tout faire. T'as de l'acétaminophène là-dedans. Ah oui, non. J'imagine. En tout cas, on verra. Mais non, j'ai décidé d'attaquer ça de force hier. Ouais. Néocitrin, un petit peu de dimethap, le sirop. Ouais. Des Fisherman's Friend, les pastilles fortes. Des casse-grippe, homéocoxinum, par exemple. Et puis. Non, pas Oscillo, Homéo. Coccinum, moi, que je prends. Oh. C'est ceux-là qu'on sort, nous, puis ça fonctionne tout le temps. Mais j'avoue que le pharmacien me conseille les Oscillo aussi. J'ai jamais essayé ça. Moi, c'est eux autres que je prends. C'est dans les produits homéopathiques, pareil. Ouais, c'est homéopathique. C'est sûrement les mêmes ingrédients. Je sais pas. On verra. Je sais pas. Ah, donc, tranche de vie. Hein? Tranche de vie. Superbe. Une superbe tranche de vie, tu l'as dit. J'adore ça. Tu peux l'avoir à chaque semaine. Ah, quel rêve. Ah, mon Dieu. Aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a, François? On a Stéphanie Gagné à 7h30. Normalement, elle est mardi à 8h, mais on va la recevoir aujourd'hui, mercredi, parce qu'on a eu un problème avec elle hier. Oui, exactement. Son téléphone ne fonctionnait pas. Non, elle a changé sa batterie, finalement, chez son concessionnaire téléphone. Ouais. OK. Ça fonctionne. Okay. Fantastique. On reçoit aussi Mme Caroline Lajoie en remplacement de Yann Martel, qui va nous parler en fait d'un café conférence qui va se dérouler ici à l'université. Cool. Je briserai pas le scoop. Ben non, hein. ça paraît. Avant ça, à 8h, Myriam Fugère avec sa collègue aléatoire. J'ai bien hâte de voir ce que vous présentez. C'est toujours cocasse. Oui, exactement. J'ai vu qu'il était déguisé en mime. Oui, j'ai vu ça. Pour l'Halloween. Ça serait fun de déguiser en mime à la radio. Hein. Ben, c'est ce que je souhaitais peut-être ce matin. Ouais. Je me suis dit, c'est encore déguisé en mime. Ça pourrait être intéressant pour une fois. Après, me passer en costume. Pour le reste de l'émission, je parlerai pas du tout. Je te la conseille, c'est pas vrai. Alors, on commence l'émission avec Bon Hiver. Et voici la pièce Calgary sur l'album qui s'appelle aussi Bon Hiver. 89 FM, c'est fou. Bonne émission. Ah, les autres, ça va avoir du plaisir pareil. Bonne grippe, bonne grippe. Merci. C'est vous la grippe.

Crachoir à 4 pièces d'album Cheval de Troie, c'était... J'aime ça! Il priait, ben je sais! J'aime ça, c'est pour ça que hein, tu veux me faire plaisir ben, ce matin. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois dans la vie, je me dis, tu sais, si j'ai une décision à prendre, est-ce que François va être content ou pas? Ok, ok, puis Chiptunes, tu... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre domaine. Ouais, c'est ça, c'est parce que je me dis, si je te fais plaisir tout le temps, ça va être plate, fait que des fois... Je l'apprécierai plus. C'est ça, fait qu'il faut que je fasse exprès. Oh, que t'es attentionné. Ben, je sais bien. Oh, bon. Donc, Crash ton rock, la pièce Il priait, avant ça, EFI avec God Calling Sick Today. Petit blog thématique sur Chosebin, comment ça s'appelle déjà, je me rappelle jamais son nom. Dieu! C'est ça. Jesus Christ. Jesus Christ, JC. JC? JC. Lozon. Ouf. Ouf. Pas pareil? Yeah. Ah, c'est beau. Je suis sûr que les gens qui s'appellent ben, ouais, peut-être. Peut-être que ça a une certaine ressemblance. Ouais. Faudrait l'avoir en entrevue, JC. Ah ouais, pas ouais. Ouais. Ah ouais. Ok. Non? Je sais pas. T'aurais pas des questions, t'aurais pas des nombreuses questions à lui poser. Je pense que j'en aurais au moins zéro, là. Hey, JC, depuis Virginie, on le voit plus. Non? Hein, c'est déjà une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il faisait pas de la musique, lui, non? Non, je sais pas. Je suis pas sûr, peut-être. Je suis pas très cultivé en termes de JC Lozon. Ouais, non, c'est ça. Moi non plus, mais il me semble qu'il a fait trop de choses. Ça se peut. Que... Je pense qu'il y avait un talk show à un moment donné. Là, quelque chose police, là. Un talk show? Talk show. Tu peux-tu? Non? Je sais pas, on dirait que ça me dit rien du tout. Ah, ça me revient pas, cette affaire-là. Ah, regarde. C'est pas grave. On aime ça. Ouais. Ouais. Super. Ben oui. Ouais. Je trouve pas. Hey, reste poli à propos de JC Lozon. Jesus Christ Lozon. Yes, sir. Bon, ben, ça commence à être place, cette conversation-là. Oh, fait que ouais. Je me dis que tantôt, on pourrait faire la chronique C'est un film. Mm-hmm. Une courte, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des chroniques courtes. Je vais pas parler trop longtemps parce que ça va pas bien. Ça va pas bien. Le petit fait rapide. On parlait du mec, tu sais, le mec côte le, pas côte levé, là, mais tu sais, le mec Ribs, là. Comment qu'il appelle ça chez. On l'a ici des fois, ça. Ah, je sais pas. Mec côte levé. C'est possible? Non, ça doit être... Je sais pas c'est quoi. Non, l'affaire avec du porc, là, qui est comme en forme de côte levée. Là. Chez McDo? Ouais. Non? Non, on en parlera tantôt. Mais pour l'instant, on écoute Man. Voici Dark Arts. C'est fou, 89 ans. Maman et Doc Hart, on parlait de J.C. Lozon tantôt, on a trouvé son, sa super musique country. Ouais, exactement. Tout un cowboy, hein, ça, ouais. J.C. Lozon. Corde sensible, je pense. Ouais. Et puis de mon côté, toi, t'as trouvé qu'il faisait de la musique, t'avais raison. Moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un talk show, Metropolis, en 1990, à Radio-Canada. J'ai même trouvé la pub. J.C., 30 secondes. OK, 30 secondes pour vous parler d'un nouveau variété, Metropolis. Un vrai show avec du vrai public en direct. Ça prend des nerfs d'acier, parce que, hey, c'est pas rangé que le gars n'ait vu. Comédien, chanteur, humoriste, musicien du vrai monde auquel je pose des vraies questions. Mes cheveux sont corrects. Ça pourrait être une pub pour pas mal n'importe quel talk show, je pense. Hein? Des vraies questions et des vraies réponses. Oh mon Dieu. Et puis, en tout cas, je pense que ça va pas super bien pour lui. Hein? Non. Non. En fait, sur son site Internet, on peut lire qu'il souhaite en fait qu'on le book. Pour des affaires. Ouais. Un proprio de petit café spectacle, un gérant de petite salle. Il cherche du monde. Ah. Triste un peu. Ah ouais, c'est triste un peu. Ils doivent chercher du travail comme ça. Ah. Mais bon. Et puis, fait intéressant aussi, d'ailleurs, t'as essayé de taper JC. Oui. JC Lozon. Ouais, juste les lettres JC. Hein. .com. Ouais. Et puis, où ça t'a mené? Ça m'a mené sur gaznaturel.com. Je vous jure, ils ont acheté le mot, le nom de domaine JC Lozon. .com pour aller vers gaznaturel. Je sais pas si c'est parce qu'ils le trouvent nul à. Vous savez quoi? Mais c'est un drôle de gag, je trouve ça. Ouais, je sais pas. Et son adresse internet, la vraie, c'est J-I-C-I, Lozon. C'est ça. Donc, sachez-le. Ah, oui, allez voir ça, là, aujourd'hui. Ouais, c'est des gaz. Hein. On écoute de. On parle de lui. Je sais pas. De Cooks, Is It Me? Pourquoi est-ce qu'on parlait de lui? Je sais pas. C'est vrai. Je m'en rappelle plus. On va y penser. On y revient là-dessus. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm all too

Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mercredi 2 novembre 2011. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Blanc. J'ai dit que je te laisserais parler en premier, mais je ne l'ai pas fait. Ah, c'est pas grave. Pas grave. Parce que j'ai réussi à divertir avec mon histoire de JC Lauzon. Oui, JC Lauzon, hein, le beau JC Lauzon. On l'adore, on l'adore. Il est fantastique. François, qu'est-ce que tu en penses si, à la place de niaiser sur JC Lauzon, ouais, on niaise un petit peu Stéphanie? Je sais que toi, c'est ton genre de faire ça. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne humeur. C'est ce que tu m'as dit. Je sais pas. Voici ton plat favori. Je suis ton plat favori, le sang sur ton bistouri. Non, non, tu comprends pas. On s'est ennuyé de toi hier, Stéphanie. Ah, moi aussi, je me suis ennuyée. J'étais vraiment fâchée. T'avais un problème de téléphone cellulaire. Oui, ma batterie a décidé de lâcher pendant que j'étais au téléphone l'autre jour. Puis c'est ça, mon téléphone ne fonctionnait plus. Fait que j'ai fait changer ma batterie hier soir. Et là, c'est réglé? Oui, là, c'est réglé, mais oui, sinon, je pourrais pas vous appeler aujourd'hui non plus. Ouais, parce que ta coloc est jamais là le matin, donc tu peux pas emprunter le téléphone de personne d'autre. Nope. Ben non. Donc, voilà. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui, Stéphanie, dans ta colique? Aujourd'hui, j'ai deux choses. Je vais parler plus tard du gala de la disque, mais mon premier sujet, je sais, j'en ai parlé un million de fois, j'en parle tout le temps. Mais là, je me suis dit, je vais faire un top 10 des raisons pourquoi l'aimer. C'est pour ça que je vais arrêter d'en parler. OK. Jussie Lauzon? Jussie Lauzon, c'est ça, non? Non. Je vais arrêter d'en parler jusqu'à la prochaine chronique où je décide d'en parler. OK. D'ici peut-être 3 semaines. Mais bon, j'ai fait un top 10 des raisons pour aimer Alex Nevsky. Ah, Alex Nevsky, hein? Il fait le tombeur de dame, là. Oui, parce que je suis allée le voir en spectacle samedi passé pour la deuxième fois. Puis, c'était trop génial. Je ne veux pas en parler. Fait que je vais faire mon top 10. Vas-y. Numéro 1. Lui et son band sont arrivés en déguisement glam rock à la Bon Jovi, Poison, Motley Crue. Non, ça, non, non. Oui, c'était génial. J'étais vraiment contente. C'était vraiment cool. Premièrement, il est en chest. Fait que ça, c'est vraiment cool. Wow! Ouais, ça part bien. Numéro 2, ils font une reprise de la pièce Pour un flirt. C'était la deuxième fois que je l'entendais, mais là, dans la foule, il y avait quand même des personnes plus âgées, fait que ils ont vraiment capoté. Et ils ont fait une autre reprise aussi, c'est la chanson Electric Feel de MGMT. Cool, là, ça. Moi, ouais, c'est cool. J'étais bien partie. J'étais vraiment contente. Troisième, bon, ça, personne ne peut le nier, tu l'as dit tantôt, charmeur. Il est vraiment, vraiment charmeur. Je pense qu'il a charmé toutes les madames qu'il y avait dans la pièce, peu importe l'âge. C'était épouvantable. En même temps? Ah, en même temps. One shot. Ça, c'est le chest, ça. C'est le chest. Je pense même qu'il y a une fille qui est tombée en scène dans la troisième rangée tellement qu'il était là. Moi, ça. Ah ouais. Faites moi. Numéro 4. Il chante la pièce « Chalalala, l'amour n'est pas qu'un slogan ». Il la chante acoustique dans la foule. Donc, ils descendent, toute la gang, les autres font les back vocals. Lui est là avec sa guitare, puis il chante la pièce en plein milieu. C'est vraiment, vraiment touchant. C'est super beau. Puis là, tout le monde chante en même temps. C'est super beau. Numéro 5, il est capable de créer toute une ambiance de party. Au début, il fait un peu plus ses chansons un peu plus smooth, un peu plus tranquille. Mais vers la fin, il dit à tout le monde de se lever. Puis là, c'est des chansons vraiment dansantes. Puis tout le monde est resté debout jusqu'à la fin à danser. Là, c'est pas habituel dans un spectacle cabaret, disons, là, où est-ce qu'il y a tout plein de tables, tout ça, tout le monde était assis au début. Numéro 6, c'est probablement ma raison préférée de cette semaine. Pourquoi c'est pas la numéro 1 là-bas? Parce que je les ai pas faites en ordre. Bon. C'est tout ça mélangé. Donc c'est pas un top 10, c'est juste 10, là. 10 à faire. Oui. Ouais. C'est 10 raisons pour aimer Alex Smith. D'accord. Numéro 6, il a écrit une nouvelle pièce qui est inspiré d'un livre qui est mon livre préféré. Par hasard total, c'est pas devenu ton livre préféré après qu'il ait dit ça? Là. Non, non, mais là, j'ai décidé de le relire pour la millième fois. Mais non, c'est un livre que j'ai découvert à ma première année de cégep. C'est Alexandre Jardin, le livre s'appelle Les coloriers. C'est un livre vraiment qui change toute une façon de penser. C'est à propos d'une île avec juste des enfants. Ils ont décidé de tuer le dernier parent qu'il y avait. En tout cas, il y a toute une histoire qui mène à ça. Et là, les enfants grandissent sans adultes. Donc, ils grandissent sans... ils ont pas d'emploi, ils ont pas la notion du temps, la notion de l'argent. La seule notion qu'il y a, c'est de jouer. Ouais. Fait que ça change vraiment toute une mentalité quand on lit ce livre-là, parce que tu vois que la société fonctionne juste en jouant. En tout cas, c'est vraiment spécial. Puis, il a écrit une chanson là-dessus, fait que moi, j'avais leur mâchoire à faire parce que c'est quand même, c'est mon livre préféré. Et Alex Nevsky a écrit une chanson là-dessus. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est le destin. Hein? Est-ce qu'il sait? Moi, je pense que non. Ah, ça va venir, ça va venir. Un jour. Non, le mariage, ce ne sera pas pour tout de suite. Non. Quelques années. Tu vas nous inviter, par exemple? Ah oui, c'est sûr. Ensuite, numéro 7, il se prend vraiment pas au sérieux en spectacle. Des fois, il y a une chanson qui était aussi une nouvelle chanson et il oublie les paroles. Puis là, il dit oh, OK, on recommence. C'est super drôle. Puis il fait des jokes tout le long. Il est bien comique. Numéro 8, les chansons plus calmes qu'il fait au début du spectacle sont vraiment, vraiment intenses. Tu vois qu'il ressent toutes les paroles qu'il chante, c'est vraiment, vraiment touchant. Numéro 9, le gars, il sait pas juste chanter, jouer du piano, jouer de la guitare, il sait rapper aussi. Parce que il y a la chanson Sous les stroboscopes qui a une partie rappée par Fab, c'est ça, de Random Recipe, mais en spectacle, Fab est pas là. Ben non, donc, il faut que Alex Nevsky fasse la partie du rap, et il l'a fait très bien en plus. Wow. Et bon, la deuxième raison, bon, il me fallait un numéro 10, parce que un 9 raisons, c'est comme pas aussi beau que 10. T'aurais pu faire à la place, t'aurais pu dire que c'est ton top 9 ski. Hein? Ça aurait été beau? Non, c'est moins beau. Fait que là, j'ai décidé de rajouter la deuxième raison, c'est juste parce qu'il est beau. Je savais qu'elle allait être là. Ouais. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Son pad, est vraiment très, très gagnant, hein, c'est ça? Ah, très. Donc, t'as dû être déçu quand t'as vu qu'il a pas gagné à la disque? C'était vraiment triste. On va en parler justement. Là. Parlons-en de la disque. Là. Ben oui. À chaque année, j'écoute le gala de la disque. Je suis toute fébrile. J'ai hâte que ça commence. Puis à chaque année, à la fin du gala, je me dis, mais pourquoi je dépense comme 3 heures à écouter ça à chaque année? Sérieusement, je suis déçu pas mal à toutes les années. Il y a du monde qui sont dans des catégories puis qui ont vraiment pas rapport là. Par exemple, Marc Dupré dans l'album Pop Rock. Pop Rock. Rock. Est-ce que Marc Dupré fait du Pop Rock? Moi, je pense pas. Non, il fait du Pop Propre. C'est ça. Non, c'est lui trop qui facile. A gagné en plus. Ouais, je sais. Mais moi aussi, en fait, je pense qu'on vit un peu la même situation. Moi aussi, des fois, je me demande pourquoi j'écoute ça, mais en même temps, écoute, c'est con, mais on dirait que j'ai comme espoir que ça change. C'est comme lire le journal de Montréal, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que tu l'écoutes, tu veux être au courant de ce qui se passe, mais t'es un peu déçu à la fin. Oh oui, habituellement, t'es déçu, et puis je trouve que là, le gala de la disque ose pas vraiment. Ah, parce que Marc Dupré, on s'entend pour dire que bof, hein? Bof. C'est Ginette Renault qui gagne à toutes les années, peu importe ce qu'elle fait. Mais Ginette, c'est un monument, tu sais. Ben, elle gagne à toutes les années. Ah, je sais. Mais écoute, c'est sûr que la personne qui gagne, mettons, le plus de ventes d'albums, bon, là, t'as pas le choix. C'est un fait. C'est un fait. Mais tu sais, si je regarde les gagnants, ils n'ont pas laissé beaucoup de place à la relève. Si je regarde le spectacle de l'année, c'est Marimé qui l'a gagné. Il y avait en nomination Bernard Adamus, Carquois, Pierre Lapointe. Si on regarde album pop de l'année, bon, c'est Ginette Renault qui l'a gagné. Pas très, très étonnant. Il y avait Jérôme Mignard de nominé aussi. Pour l'album pop rock que j'ai mentionné, que c'est Marc Dupré qui a gagné, il y avait Alexandre Desgilets, Alex Nevsky et Alpha Rococo. Moi, j'aurais cru que ça allait être Alpha Rococo qui allait gagner. Mais non, surprise, pas lui. Dans Révélation de l'année, ça, c'est un peu touché parce que c'est toutes des artistes de la relève. Ouais. C'est Brigitte Boisjoli qui a gagné. Déception un petit peu. Il y a quand même Ariane Brunet, Jimmy Hunt et Alex Nevsky dans cette catégorie-là. Moi, l'autre fille, je la connaissais pas, par exemple. Ariane Brunet, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle sort d'où, elle? C'est moi qui est complètement en chien, ou? Non, moi non plus, je la connaissais pas, mais elle chante quand même très, très bien. C'est pas vraiment mon style musical, mais elle a vraiment une bonne voix. Ouais, c'était vraiment bizarre, ça. Moi non plus, en fait. Puis j'ai demandé à ma copine, elle connaissait pas non plus. Donc, en fait, là... Ça, j'imagine que ça doit sortir de Star Academy. Est-ce que ça se peut? Pas Ariane Brunet, non. Brigitte Boisjoli, oui, par contre. Ah, OK. Ah oui? Okay. Ben, les deux autres nominés, c'était Brigitte Boisjoli et William Delaurier. Les deux sortent gagné. Et c'est elle qui a gagné? Ouais. Bon. Donc ça, ça m'étonne pas du tout. Ensuite de ça, la catégorie où j'étais contente et mais en même temps, il n'y avait pas le choix de faire gagner ce groupe-là. Artiste québécois de l'année, c'étant le plus illustré hors Québec, Arcade Fire. Ils pouvaient pas vraiment faire gagner d'autres groupes. Ouais. Sinon, c'est un peu comme dire qu'on est meilleur que toutes les autres places qui ont fait gagner Arcade Fire. Si on s'entend, ils ont gagné aux Brit Awards, ils ont gagné aux Junos, ils ont gagné aux Grammys. Ouais. Un peu déplacé. Oui, je sais, mais en même temps, ils étaient pas mal déjà connus. Arcade Fire? Ouais. Ouais, mais c'est vraiment cet album-là qui a fait qui a tout changé. Parce qu'avant ça, on en entendait parler pas tant que ça. Non, moi, j'avais l'impression que c'était quand mais, même. On est dans le domaine des radios universitaires. Peut-être qu'on est biaisé un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. Mathieu a un bon point aussi. Là. Peut-être que tu sais pour nous, Ginette Renault, ça ne veut absolument rien dire. C'est ça, exact. Partout ailleurs. Et... Mais c'est comme pour nous autres, Jimmy Hunt, Alex Nevsky, ouais. Tout ça, on connaît ça, mais pour le monde qui écoute la disque, eux autres, ils se disent ah, « mais c'est qui eux autres? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? » C'est qui ça? Alex Popovski? C'est qui ça? Mais c'est déjà bien, en fait, qu'ils présentent en même temps, parce que ça serait facile pour eux aussi de dire « Bon, mais mettons, Ginette Renault, Marie-Mé, tu sais, Éric Lapointe, tout mettre ça dans le même bateau, là. » Mm-hmm. Si au moins les gens peuvent aller se renseigner, Alex Nevsky, ah ouais, je l'ai vu en prestation, c'était pas pire. Ah, je vais m'acheter un billet pour aller le voir en spectacle, tu sais. En fait, là. Ouais, mais c'est ça. Habituellement, il y avait un CD qui sortait aussi le lendemain de la disque. Ah, je sais pas. Ouais. Puis là, il y en a pas eu, pas à ma connaissance. Dans une playlist Winamp qui te sort à la place. Non. Tu dois pouvoir l'acheter sur iTunes. Je m'en rappelle plus que j'aide. Ah, excuse-moi, ça. J'ai un blanc. Sinon, l'animation, t'as aimé? Ah, moi, Louis-José Hood, j'adore. Tu le trouves très drôle? Très, très bon. Fantastique. Et les prestations? J'ai vraiment aimé la prestation dans l'ouverture. Ça a commencé avec Mister Valère, avec la pièce Dan Dan. J'étais vraiment contente parce que quand tu découvres un band il y a très longtemps et que tu finisses par te rendre à l'ouverture du Gala de la Disque, c'est quand même quelque chose. Oui. Ouais. Mister Valère, j'ai découvert ça fait vraiment longtemps puis je les adore. Ben ça, c'est bon parce que... Jouer à l'ouverture, je capotais. Après ça, il y a eu Radio que j'aime beaucoup. Après ça, il y a eu Samian et Marimé. Aussi, pendant le gala, il y a eu une présentation de Carquois avec Martin Léon. C'était excellent aussi. Martin Léon, ça n'avait jamais vraiment accroché. Je sais, chez Mami. Mais là, ça joue pas mal ici. Oui, ça joue pas mal, mais ouais. Moi, j'avais jamais vraiment accroché. Mais là je pense que je vais réécouter l'album. Ouais, tu vas te mettre là-dessus. Ah, je vais me mettre là-dessus, c'est sûr. Bon. Ben, super. Fantastique. Et sinon, des points peut-être améliorés, si ce n'est que... Ben, moi, c'est sûr que le point principal, c'est... il faudrait qu'ils mettent une plus grande place à la relève, parce que quand on sait combien ça coûte aux artistes pour partir au Gala de la Disque, c'est dans les 1 000 $. Si je me trompe pas, c'était 1 400. Je l'avais nommé l'année passée, mais j'ai plus le chiffre présentement. Pour déposer ta candidature, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et si on regarde les Junos, je crois que c'est 100 $. Oui, 100 $. Oui, c'est vraiment, vraiment différent. Fait que ça coûte très cher pour être nominé à la Disque. Et après ça, ils font gagner toutes des personnes qui... Bon, qui ont déjà les moyens financièrement. Oui, c'est ça. C'est un peu biaisé de dire ça parce que je suis pas au courant de leur état financier, etc. On peut s'en douter. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les artistes de la relève qui viennent de commencer, là, c'est, ils mettent cet argent-là à la disque puis ils ont à peine de place où ils sont montrés. Par exemple, il y a eu les révélations de l'année qui ont tout eu leurs 30 secondes au moins. C'est déjà ça de prestations. Ouais. Mais, ça, c'est possible. Mais en même temps, il aurait pu faire une pièce complète. Tu sais, justement, révélation. Mm-hmm. Tu sais, ça serait bien de donner la chance à. Mais bien. Je suis d'accord. Mais bien. Et, point positif, par contre, pendant les publicités, il y avait des petites capsules à propos de l'autre gala de la disque avec Catherine Pogonan, puis elle parlait de qui avait gagné, qui avait été nominé. Ouais, j'ai vraiment aimé ça parce que le monde qui écoute la disque connaît vraiment pas l'autre gala de la disque. Je veux dire, j'ai même parlé avec du monde dans mon programme qui connaissent quand même un peu la musique. Puis ils étaient même pas au courant qu'il y avait un autre gala de la musique. Oui. Ouais, mais en tout cas, moi. On dira pas eux qu'est-ce qu'ils écoutent comme radio pour cette radio-là, mais bon. Ouais, ouais, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que si t'écoutes la disque, tu choisis d'écouter la disque comparativement à, mettons, à la même heure dans une autre chaîne, c'est Occupation Double. Ben oui, c'est ça. Je me dis, si t'es si formaté que mettons, tu devrais écouter Occupation Double. C'est ça. En tout cas. Non, mais pour Stéphanie, faut quand même se le dire. On va pas se cacher des affaires. La les gens des qui choses. Vont à l'école de radio, on s'entend que la plupart, à part toi, c'est pas mal du monde qui sont de l'autre bord, hein? Non? Ah, je veux pas parler contre tes amis. Il y a des gens qui n'aiment pas le style hyper commercial et avec la publicité à chaque tout le temps, en fait. Ouais. Mais ils sont pas très, très nombreux. Non, c'est vrai qu'on est une minorité visible. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Juste le point que je voulais apporter. Ouais. Oui, oui, je m'y attendais pas quand je suis arrivée à l'école. Mais tu pensais qu'il y avait plus de fans de vraie musique, hein? Oui. Ah. T'es une fille positive. Mais ça marche que les femmes de vraie musique vont pas à l'école. Fait que... Ah, c'est ça, c'est des artistes. Voilà, c'est des artistes incompris qui vont pas à l'école. Et non, bon pas. Je pense qu'on a fait nos commentaires éditoriaux pour ce matin. Ouais. Mais bon, passe une belle journée avec eux quand même. Là. Ouais, ouais, ils sont quand même le fun. Ouais, c'est ça. On va écouter deux pièces que tu as choisies provenant des nominés de la disque. Des oui, ou des gens associés à la disque. Là. Pas Alex Nevsky. Non, je vous ai. Hey? Non, j'en fais tellement jouer trop souvent que là, je me suis dit, je vais arrêter à m'amener. Puis quand il va avoir un nouvel album, je vais en faire jouer. Mais pas avant. Parfait. Promis. Mais c'est ça. J'ai choisi deux chansons qui ont joué dans le numéro d'ouverture Mister Valère avec la pièce Dan Dan qu'on. En tout cas, je sais pas si vous l'avez fait jouer dans les derniers mois depuis que je suis partie pour Rivière, mais moi, je pense pas l'avoir déjà entendu. Je sais qu'elle joue assez fou une fois de temps en temps. On n'est pas tout seul à faire jouer du Mister Valère. Ouais. Peut-être non, un peu, mais pas, c'est pas la pièce qui joue à outrance ici du tout. Ouais, c'est ça. C'est pas une pièce que j'ai entendue vraiment souvent, contrairement à plusieurs autres de cet album-là. Mais pour Radio, par contre, j'ai choisi une chanson qu'on a quand même fait jouer assez souvent avec Carguer dans ma chaise. Good! Ça va être très, très bon, ça. Merci, Steph. Pas de problème. On te retrouve, dans le fond, c'est mardi. Je sais qu'on est mercredi aujourd'hui, mais mardi prochain à 8h, ton vrai jour. Oui, mon cellulaire devrait fonctionner mardi prochain. Espérons-le. Alors, passe une belle semaine, Steph. Merci, Steph. Vous êtes aussi. Bye-bye.

Anne de France et Toxic Tuxedo à Assemblage Requis. Juste avant la pièce, on parlait avec Caroline Lajoie de la Semaine québécoise de l'orientation. On avait oublié de dire le site web. Oh, sqo.orientation.qc.ca. sqo.orientation.qc.ca. Fantastique. Voilà, c'est dit. Maintenant, plutôt encore, avant ça, avant, on fait des flashbacks aujourd'hui. On parlait avec Stéphanie Gagné dans sa chronique Ton plat favori. Et d'habitude, on accompagne le plat favori de plusieurs ajouts, disons, des valeurs ajoutées. Hein? Ouais. Donc, petite musique. Oh! Hey! François, crudité. Steph, t'es où, Steph? T'es où? Ah, c'est qui ça, Steph? Donc, crudité de François-Olivier pour accompagner. Ouais, exactement. Écoute, je te parle de quelque chose que tout le monde en parle présentement. Et je ferai pas exception à la règle. Je te parle de Movember. Ah, Movember! La moustache pour le cancer de la prostate. Je vous conseille d'aller voir le site internet. Ouais? Ouais. C'est, en fait, je vous nomme l'adresse, ca.movember.com. Et puis, c'est très bien fait. Le site internet est vraiment très beau. Et voilà, en fait, je trouve que c'est important d'encourager le cancer de la prostate. Très bonne cause, oui. Les femmes le font bien pour le cancer du sein. Moi, en fait, j'annonce officiellement le port de la moustache. Toi, c'est fait, là, parce que tu disais, j'étais pas sûr, j'allais te mettre. Moi, j'ai pris de l'avance. Ouais, c'est ça. T'as commencé plusieurs jours avant, tu t'es laissé pousser la barbe, tu t'es rasé pour faire un beau petit moteur de toi-même. C'est ça. C'est ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une super bonne cause, mais je trouve que c'est un méchant gros défi là, se faire pousser la moustache pendant un mois. T'sais, les filles, t'sais, avec le cancer du sein, ils portent un petit truc rose sur leur... Je sais. Écoute, le défi est de taille. En même temps, c'est une maladie de taille. C'est une cause de taille. Mathieu, si t'attrapes le cancer du côlon de la prostate un jour, tu penseras à moi avec ma moustache. Tout à fait. Que je me suis battu pour toi. Oui, merci. Fait que c'est à toi de battre pour la maladie. Ben, tu vois, moi, je me suis rasé. La règle disait qu'on avait le droit de se raser le 31 octobre. Oh, exactement. Ben oui. Je me suis rasé le 30 et j'ai rien rasé depuis. Donc, je laisse pousser. Peut-être, hein, Mathieu? Je pense bien que je vais faire quelque chose avec ça d'ici le 1er novembre. De toute façon, t'as vu au rythme que ça pousse, là, ça fait comme 4 jours que je me suis pas rasé. Ouais, c'est ça. Elle pousse pas super vite, la tienne. C'est pour ça que je peux pas. Tant mieux pour toi. Ouais, c'est ça. Petit indice, là, pour ceux qui me voient des fois, là, si vous savez chez qui, là, je me rase une fois par semaine. Okay. Quand tu me vois à mon plus long, là, le vendredi, là, pas mal là que ça va. T'sais. C'est pas mal là que... C'est ça. Ça fait dur. Prix plus bas. Ouais. Hey, fantastique. Et puis, je t'annonce aussi qu'il va avoir... C'est pas du tout fantastique. Là. Ben oui. Oui, oui, mettons. Mais c'est fantastique pour toi, pour le mois de novembre. Oui, c'est vrai. Ça poussera ça va être pas mieux trop. Que, ouais. Ben oui. Et puis, je t'annonce aussi qu'il va avoir un Wall of Fame. Des moustaches. Ah oui, sur le site de... C'est fou, sur non, dans non, le non. Non, non, dans le corridor ici. Ah, OK, pour tout le pavillon, pour toutes les universités, pour qui ça? Oui, ben en fait, là, pour les gens qui se laissent pousser la moustache, et puis je pense qu'il va falloir... En fait, là, je sais pas, j'ai pas tous les détails exactement, mais je pense qu'il va falloir prendre une photo et l'envoyer sur Facebook à l'AGE, et puis eux autres vont concocter un mur des célébrités de moustache. Parfait, et puis, le 1er décembre, excusez-moi, ça va coûter 2$ pour se faire raser la moustache. On refait un autre. ça va aller. Bon. Ouais. Ça va coûter 2$ pour se raser la moustache ici même à la Chasse Galerie. Ah ouais. Et puis, en fait, les profits. Ah. Ouais, non, c'est ça, moi je l'ai pas dit, mais. Sac. Ouais. Non, mais ça a l'air de fun. Ouais. Moi, ce que je prédis à l'interne. À l'interne, faut. Parce que là, il y a Charles-André Lambert qui fait déjà son. Ouais, exactement. Ouais, co-animateur de l'émission. Oui, exactement. Sur Facebook, il va mettre des photos de son processus. Nous, il faudra faire la même chose. Ouais. On l'avait fait l'année passée, un peu, mais pas assez. Si on y allait une fois au début, au milieu, puis à la fin, c'était pas assez. Ouais. Donc, je dirais plus souvent. Ouais, mais là, tous les jours. Non, une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est un mois, okay. C'est juste un mois. Okay. On pourrait le faire 5-6 fois dans le mois, c'est pas bien. Ou le vendredi. Peut-être, ouais. Ouais. Le vendredi, ça pourrait être cool. Hein. Vu qu'on n'a pas d'émission, les gens pourraient quand même sentir notre présence. Et voilà. Et Dieu sait que tu sens bien aujourd'hui. Merci. Moi, je te fais que je sens peut-être particulièrement t'as bon. T'as le bouché. Je te comprends de pas m'approcher avec mon... C'est pas vrai. C'est donc, c'est ça. Movember est tes crudités. Mes crudités, fait, j'y vais. Parfait, c'est fait. J'y vais. Si vous voulez plus d'informations sur Movember, en passant pour les auditeurs du mercredi qui nous écoutent en direct, les gars de SPM de Gomme vont faire un topo là-dessus. Donc, tout à l'heure, la longue historique est tout en long et en large du Movember dans SPM de Gomme à 9h en ce mercredi 2 novembre. Après les crudités, c'est mon dessert délicieux de Mathieu. Hein? Il y a un gars... D'accord. Qui voulait prouver que Mario 64, c'est vraiment facile, le jeu Mario 64. Ouais. On sait que ça parle souvent de Mario, mes affaires. Hein, non, c'est pas grave. C'est donc, il a décidé qu'est-ce qu'il a décidé, lui? Il a décidé de battre Super Mario 64 en utilisant que ses pieds. Oh. Ouais, parce que l'autre fois, je t'ai parlé d'un gars qui jouait aux jeux vidéo aveugle avec sa manette, puis il y avait des le son qui venait rebondir avec ses colonnes de son, il pouvait se diriger. C'est un peu le même genre de choses, mais lui, il n'est pas handicapé, ce gars-là. Donc, il joue avec, avec ses pieds, mais juste pour le plaisir, comme ça. Et il dit, non seulement je vais faire le tour de Mario 64, mais en plus, je vais ramasser les 120 étoiles. Parce que le jeu Mario 64 est facile quand même, OK? Quand même facile pour un jeu de plateforme, là, quand t'es habitué à jouer à des jeux de plateforme. Mais trouver les 120 étoiles, ça, c'est pas aussi évident que ça. Vraiment pas. Donc, c'est simple. Il joue seulement avec les pieds, qui peut toucher... Dans le fond, seulement les pieds peuvent toucher au bouton, mais il peut utiliser sa main pour appuyer sur le bouton Z avec son pied, parce que dans le fond, le bouton Z est en dessous de la manette. Donc, il a le droit de prendre sa main pour aller avec son pied appuyer sur le bouton Z en dessous de la manette. OK, mais c'est la seule chose qu'il fait. T'sais. Il aurait pu demander l'aide d'un ami pour lever la manette, mais c'est quand même ses pieds qui jouent. C'est pas grave. Sûrement qu'il n'y a pas d'amis parce qu'il joue à des jeux vidéo avec ses pieds, mais quand même. On peut aller voir la vidéo de 23 minutes sur assemblagerequis.com. Ça lui prend 23 minutes faire tout ça? C'est une vidéo de 23 minutes de lui en train d'attraper chaque étoile dans le niveau d'horloge du jeu. Donc, c'est pas le jeu au complet. On voit seulement le tableau avec l'horloge. Je sais pas si t'as déjà joué à Mario 64. Ouais, j'ai joué. Dépendant de à quelle seconde l'horloge est rendue, le tableau va être lent ou rapide. Là. C'est comme un genre de niveau attrape un peu. Là. Des fois, il est rapide, des fois, il est lent, dépendant de comment tu rentres dans l'horloge. En tout cas. Bref, il joue à ce tableau-là. Pendant 23 minutes, et ça, c'est juste le tableau en particulier qui fait pendant 23 minutes. Fait qu'imaginez le jeu là, au complet. Hey everybody, welcome back to Let's Play Super Mario 64 with my feet. Today we're going to the third floor and we're going to have some special guests with us for that. Say okay, hi, reçoit guys. Pendant ces vidéos des amis qui font des jeux de mots sur les pieds de long en large, c'est vraiment très très long. On le voit mourir un paquet de fois. Là. Il essaie pas de dire qu'il est pas bon. Non, c'est ça. Il est pas parfait, mais il joue au jeu avec ses pieds. Puis je trouve que l'idée est drôle. Puis tu peux voir toutes les étapes sur YouTube. Sa chaîne VICAS3, VICAS3. De toute façon, le lien sur assemblagerequis.com, mais tous les tableaux sont là. Allez voir ça. C'est quelque chose, je trouve. C'est tout pour ton plat favori, les crudités et le dessert délicieux. C'est un bon moment. Et l'émission s'achève, hein? Dangereusement. On s'en va entendre une pièce de Black Lips et on revient avec la conclusion. Voici donc Raw Meat. Parce que des fois, si tu veux, tu pourrais prendre de la viande et puis, tu sais, pour l'aplatir, tu peux prendre un marteau avec tes mains. Fais-tu, là? Ou tes pieds. Ouais. C'est mon lien. Un peu moins propre, les pieds. Un peu, mais tu peux te laver. Ouais, tu peux te laver. C'est bon, ce Black Lips avec Raw Meat sur l'album Radio Mountain à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, François. Déjà. Demain matin, 7h à l'émission, qui avons-nous? Demain, Simon Fitzbé. Oui. Hein, avec sa chronique Phénomène. C'est vrai. Et François Landry nous parle de politique. Oui. Oui, je confirme. Ça va être intéressant. Je pense qu'on va reparler de Pauline un peu. Ah oui? Ça a l'air à jouer du coude là, dans les coulisses. Là. On a hâte d'entendre parler de on ça. Va mais... Sinon, restez à l'écoute pour SPM de gars qui vont parler, entre autres, de Movember. Ça commence à 9h. Ensuite, c'est cool d'être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité à 10h. Et le dîner de cons commencera à 11h avec Danny Janvier. En après-midi, c'est en rediffusion La Spirale et Catalepsie, si vous les avez manqués plus tôt cette semaine et la semaine dernière. On revient en direct à 16h avec 6 degrés et Kim Bergeron. Kim qui a co-animé les Palmarès C'est fou avec moi la semaine passée. Très oui. amusant. Oui, j'ai entendu à la fin. Très drôle. On passe en rap ensuite à 17h avec Rap Contact et puis Où c'est blanc, Où c'est noir à 19h et on termine en trance avec Psy TR à 21h. Allez voir sur cif.ca pour la programmation et retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Passez une excellente journée. On se quitte avec Rural Alberta Advantage. Et la pièce? Stem! L'avantage de l'Alberta rurale. C'est exactement ça. J'aime ça, ouais. J'aime ça, ça sonne très bien. On dirait que la forme est revenue avec le temps dans l'émission, on dirait, tu sais. Au début, c'était comme... Le soleil. Le soleil se lève. Bon. Hein? Mathieu Plante. Prends un petit cocktail, jus d'orange. Dehors, sa terrasse, vodka, jus d'orange. En bedaine, en chess. L'alcool, à ce qui paraît, ça casse les rhumes, ça. Hein? Ben, des fois. Ouais? Des fois. Des fois, ça peut être pire, par exemple. Faut que tu fasses attention. Je prendrai donc pas la chance. Rural Alberta Advantage à demain. Bye.